Bienvenue sur Réunion Première, il est 10h, le journal de France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Les enseignants de retour en classe avant leurs élèves. Demain, ils ont passé une partie de l'été à éplucher les nouveaux programmes. C'est un collège tout neuf qui les attend. Emmanuel Macron fait l'école buissonnière. Il a quitté le gouvernement pour préparer 2017. Il a un projet, il réunit son équipe cet après-midi. Tout ça ressemble à une candidature, mais ce n'est pas encore une candidature. L'ONU dépense chaque année des millions pour aider les civils en Syrie. Le problème, c'est qu'une grande partie de cet argent va directement dans les poches de proches de Bachar el-Assad. France Info. Les enseignants retrouvent donc le chemin de l'école ce matin. Ils sont 855 000 à faire leur rentrée. Ils vont découvrir les emplois du temps, la composition des classes. Et pour ceux qui sont au collège, gros changement en perspective. Deux réformes s'appliquent en même temps, la réforme du collège et celle des programmes. Bonjour Célia Kiré. Bonjour Mathilde. Vous avez rencontré des enseignants dans l'académie de Créteil. Est-ce qu'ils sont prêts? Alors c'est un saut dans l'inconnu hein. Pour les tout jeunes enseignants. Une première rentrée, c'est toujours assez angoissant. Ils ont été initiés aux grands principes de la réforme du collège, comme ces cours qui croisent plusieurs disciplines. En revanche, ils n'ont pas été formés au nouveau programme, car ils ont passé leur concours, le CAPES, sur la base des anciens. Mélissa a un peu la boule au ventre ce matin. Elle arrive dans un collège de Seine-Saint-Denis, à Neuilly-sur-Marne. C'est un petit peu stressant pour l'instant, parce qu'on a du mal à faire nos cours, à s'organiser comme il faudrait, je pense. Mais c'est très excitant aussi de pouvoir commencer un métier qu'on a longtemps voulu faire et qui nous passionne. Alors non, on n'a pas du tout été formés puisqu'on a travaillé toute notre année sur les anciens programmes. Donc j'ai découvert les nouveaux programmes tout cet été, sans aucune formation, sans rien. Alors le ministère assure que les profs dans leur ensemble ont bénéficié de 5 jours de formation pour la réforme du collège. Même si cette réforme fait grincer des dents, Christian Chevalier du syndicat des enseignants de l'UNSA s'attend à une rentrée apaisée. C'est pas parce qu'on a une charge de travail importante que tout ça va devenir chaotique. Sur les nouveaux programmes, ils y travaillent depuis plusieurs semaines déjà. Le travail d'enseignant, il démarre pas le jour de la rentrée et de la pré-rentrée. Il faut par contre que l'institution les aide, prenne le temps avec eux de construire les choses. Enfin, moi, je suis plutôt serein sur la façon dont la rentrée va se passer et dont les prochains mois vont aussi se dérouler. Et comme le principe de cette réforme, c'est l'autonomie, les chefs d'établissement peuvent davantage aménager les emplois du temps avec des nouveaux cours et une deuxième langue vivante dès la cinquième. Les enseignants vont découvrir tout ça ce matin. Il y aura sans doute beaucoup de différences entre les collèges. Célia Kiré, spécialiste éducation de France Info. Et à cela s'ajoutent les nouvelles mesures de sécurité prises en raison de la menace terroriste. Il va y avoir des formations, des procédures à suivre. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a multiplié par 4 le budget sécurité des lycées pour acheter des caméras et des alarmes. L'Île-de-France a doublé le sien. Et en cette rentrée, Mathilde, le gouvernement, lui, change de prof d'éco. C'est Michel Sapin, le nouveau ministre de l'économie. Il garde le portefeuille des finances et se retrouve donc à la tête d'un super Bercy. Un poste qu'il a d'ailleurs déjà occupé il y a plus de 20 ans. Ce mini-remaniement est dû au départ d'Emmanuel Macron. Il a démissionné hier. Pourquoi ? Eh bien pour être libre et défendre ses propres idées. Si nous ne sommes pas d'accord sur les vrais problèmes du pays, comment proposer aux Françaises et aux Français un changement, une avancée ? Ma conviction profonde, c'est que notre pays a besoin d'une refondation. Ce projet que nous voulons construire, nous voulons le porter pour 2017. D'évidence. Je ne suis pas ici en train de vous dire que je pense que mon pays peut attendre. Emmanuel Macron sur le plateau TF1 hier soir qui laisse donc planer le doute. Il ne va pas jusqu'à se déclarer candidat à la présidentielle. Le temps de l'incarnation n'est pas encore venu, dit-il. Mais on voit bien, Yael Gauze, qu'il a des fourmis dans les jambes. Pour marcher plus vite, Emmanuel Macron voit les choses en grand. Son équipe, une dizaine de permanents, va déménager dans la tour Montparnasse, 300 mètres carrés de bureaux. L'organigramme se met en place. Une réunion des parlementaires pro-Macron, ils sont une quarantaine, se tient cet après-midi à l'Assemblée pour distribuer les rôles. Porte-parole, organisation des meetings, bientôt le Finistère, Lyon les 23 et 24 septembre. Emmanuel Macron veut faire un tour de France. À la fin du mois, ce sera le temps du diagnostic qui débouchera sur un livre et sur un projet. Le porte-à-porte des marcheurs s'est arrêté le 31 juillet et depuis, tous les questionnaires sont épluchés, compilés par le cabinet Liège-Muller-Pons, spécialisé dans la stratégie électorale. Côté finances, Emmanuel Macron peut s'appuyer sur un réseau de 3000 donateurs. Avant l'été, En Marche disposait de 400 000 euros, mais près de la moitié de la somme a déjà été dépensée dans le porte-à-porte. Première carte postale politique, ce sera demain, visite à la foire de Chalon. Ses soutiens promettent un bain de foule pour celui qui ne se déclare pas candidat, mais qui s'y prépare. Et avant de voler de ses propres ailes, Emmanuel Macron va revenir une dernière fois à Bercy ce matin pour la passation de pouvoir avec Michel Sapin à 9h. Il y aura une deuxième chaise en moins ce matin en Conseil des ministres parce qu'il y a eu une deuxième démission. Georges Pollangevin, qui s'occupait de l'outre-mer, s'en va pour raisons personnelles. Elle laisse son poste à Erika Barrette, qui était jusqu'à présent secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Voilà, il me reste à ajouter, on reviendra évidemment sur Emmanuel Macron, que l'invité de l'émission politique de France Info tout à l'heure à partir de 8h30 avec Jean-Michel Apathy, c'est Emmanuel Cosse, la ministre du Logement. La CGT repart à l'offensive contre la loi travail. Philippe Martinez assure que le combat n'est pas terminé. Il espère toujours pouvoir obtenir l'abrogation de la réforme. L'intersyndicale se réunit ce soir à Paris pour préparer la prochaine journée d'action. Elle a été fixée au 15 septembre. L'armée française a un nouvel ennemi. Il s'agit de Pikachu et des Pokémon en général. Le ministère de la Défense s'inquiète du jeu Pokémon Go qui cartonne partout dans le monde depuis cet été. Des consignes ont été données via une note interne dévoilée ce matin par le Canard Enchaîné. L'armée a peur que des gens mal intentionnés aillent chasser des créatures virtuelles dans ses bâtiments les plus sensibles. Elle craint aussi que le jeu ne suscite des phénomènes addictifs dans ses rangs. France Info, il est 8h06. À présent, cette enquête sur l'argent dépensé par l'ONU en Syrie. Les Nations Unies veulent aider les civils victimes de la guerre, mais pour cela, l'ONU a dû signer des contrats avec des organisations proches du régime, voire des ministères. C'est ce que révèle le journal britannique The Guardian. L'ONU confirme, Ariane Grissel, et essaye tant bien que mal de s'en expliquer. Et oui, les sommes sont importantes. 900 millions de dollars versés par l'ONU via ces organismes comme l'UNICEF ou l'OMS. On peut se demander, vu le contexte, combien ont réellement été redistribués sur le terrain. Parmi les exemples cités par le Guardian, ces dons à la Syria Trust for Development, plus de 7,5 millions de dollars en 4 ans. Une association présidée par Asma El-Assad, la femme du dictateur. Autre exemple saisissant, les poches de sang confiées à une agence qui dépend du ministère syrien de la Défense, celui qui fait lui-même couler ce sang dont il y a tant besoin. Principal argument des Nations Unies, mieux vaut une aide qui passe par le régime que pas d'aide du tout. Damas a d'ailleurs menacé les Nations Unies de leur retirer son autorisation d'intervenir en Syrie si les Nations Unies ne respectent pas les conditions du régime. C'est là tout le dilemme d'un conflit inédit de l'aveu des ONG. Faut-il se laisser imposer les règles d'intervention par une dictature ou renoncer à intervenir pour protéger le principe de neutralité normalement propre aux ONG? Ariane Grissel, l'État islamique perd l'un de ses plus anciens dirigeants, son porte-parole Abou Mohamed al-Adnani. Il a été tué dans la région d'Alep. Il était depuis 2 ans le principal propagandiste de Daesh, le visage de cette organisation terroriste sur les réseaux sociaux. Il y a 2 ans, c'est lui qui avait lancé un appel au meurtre de Français par tous les moyens. Un sans faute pour les Français hier et cette nuit à l'US Open de tennis. Gilles Simon, Nicolas Mahut, Jérémy Chardy, Paul-Henri Mathieu ont passé le premier tour. Du côté des Françaises, 2 se sont qualifiées, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Premier tour franchi également pour les ténors Andy Murray, Stan Wawrinka et les sœurs Williams. La Mostra de Venise, sur un air de comédie musicale, le plus ancien festival de cinéma du monde, s'ouvre ce soir avec La La Land, un film en chanson avec Ryan Gosling et Emma Stone. 19 longs métrages sont en lice pour le Lion d'Or. Le jury préside par Sam Mendes, le réalisateur des derniers James Bond, dévoilera son palmarès dans 10 jours. Mathilde Munoz, il est 8h08. Bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h08. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le vent souffle bien aujourd'hui, des rafales qui atteignent les 60 km/h sur les sommets. Le temps est toujours dégagé dans les cirques, ciel moins nuageux dans les autres régions. Et en ce qui concerne le temps de cet après-midi, il y aura très peu de changements par rapport à ce matin. Du vent pour Saint-Gilles et dans l'intérieur, le ciel sera plutôt gris. Les températures maximales qui atteignent difficilement entre 22 et 25 degrés sur le pourtour du littoral, 19 dans le cirque de Sillaos et puis 12 degrés au Pas de Bellecombe. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Dans la troisième, hier, pour le prix du bocage, il fallait trouver le 4, le 13, le 10, le 14 et le 15. 4, 13, 10, 14 et 15. Aujourd'hui, mercredi, sur l'hippodrome de Deauville. Dans la deuxième, pour le prix de Muance, la tirelire, le montant, 4 450 000 euros. Voici les pronostics de Pascal Maillot. Le 11, l'As, le 4, le 9, le 5, 17, 13, le 2, en cas de non partant, le 3. Je vous les redonne, les pronos de Pascal Maillot. Le 11, l'As, 4, 9, 5, 17, 13, 2, en cas de non partant, l'As. Le 3, pardon. Oui, sur rectifie, le non partant sur le 3. Allez, le don de sang est au cœur de votre émission, les experts. Profitez de leur présence, surtout pour poser toutes vos questions sur ce geste qui sauve des vies. Un seul numéro de téléphone, le standard de la première avec Mathias qui vous accueille, 02 62 99 2000. À mes côtés dans un instant, le directeur de l'EFS, l'établissement français du sang, Hervé Renard, et Nathalie Grondin du service communication. Quelles sont les conditions pour pouvoir donner son sang? De quel âge à quel âge peut-on le faire? Est-il vrai que si on pèse 49 kilos, on ne pourra pas faire don de son sang? Et quelle est la différence entre le don de sang et le don de plaquettes? Ou faire un don? Et puis alors, comment l'EFS prévient-il ses donneurs réguliers? Nous sommes à votre écoute sur la première jusqu'à 11h30 avec les experts. 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. De l'établissement français du sang sont sur la première. Vos questions, les réactions au 02 62 99 2000. 4h, 5h, c'est Gamma Loya avec Sonia. Montez le volume, réveillez-vous dans la joie et la bonne humeur, comme chaque matin, le meilleur de la musique de notre île, pour vous donner l'énergie, oui, l'énergie dont vous avez besoin. Je vous souhaite plein de belles choses. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est Gamma Loya avec Sonia, toute la semaine, de 4h à 5h sur Réunion Première. Réunion Première, c'est la Radio Pays. Bonjour La Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Y a grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. Tout ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la Radio Pays. Le don de sang, on en parle sur la première. Hervé Renard, le directeur de l'EFS, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous accueillons également Nathalie Grondin du service communication, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent et aussi pour répondre aux questions des auditeurs de la première au 02 62 99 2000 avec Mathias qui patiente, enfin qui vous accueille au standard de la première et puis par SMS au 06 92 70 2000. Alors cette alerte qu'il y a eu il y a quelques jours, Hervé Renard... Oui, je voudrais revenir sur cette alerte. Alors, déjà, Nathalie et moi, nous en avions parlé lors de notre dernière émission avec vous. Et c'est vrai qu'avant les congés, on est souvent un petit peu préoccupé parce qu'on sait que les donneurs de la Réunion partent en vacances, c'est-à-dire que les malades, encore une fois, restent à l'hôpital. Donc, on est toujours un petit peu soucieux de cette période-là. Effectivement, on a eu une alerte avec des malades qui avaient des besoins en augmentation et des donneurs qu'on avait plus de difficultés à trouver. Des besoins urgents. Hein, c'est... Des besoins, oui, parce que quand on voit que les stocks diminuent, ça devient urgent de trouver des donneurs de la Réunion. Parce qu'on a deux leviers pour pouvoir pallier à cette consommation supplémentaire pendant cette période. Soit, effectivement, et c'est le mieux, on alerte en urgence des donneurs de la Réunion, parce que je rappelle qu'il y a à peu près 17 000 donneurs à la Réunion, alors qu'on pourrait en avoir plus de 200 000 donneurs. Vous voyez, donc on essaie de mobiliser en urgence. 17 000 sur une population de 800 000, hein. Voilà. On essaie de mobiliser en urgence de nouveaux donneurs, donc c'est pour ça qu'on a eu toutes ces périodes d'appel. Mais par contre, par rapport à la sécurité des patients, ça je tiens vraiment à le rappeler pour les autorités de tutelle qui nous écoutent, pour tous les patients, enfin pour toute la population réunionnaise, la sécurité transfusionnelle des patients n'a jamais été mise en cause, parce que si jamais on n'arrive pas à avoir, après ces appels d'urgence, les donneurs de la Réunion, et je préférerais que ce soit des donneurs de la Réunion qui donnent pour les patients de la Réunion pour différentes raisons, et notamment pour les raisons de groupe sanguin, là, pour le coup, si on n'arrive pas à avoir ces donneurs, on fait appel à la métropole. Et là, le lendemain, les stocks seront constitués. Donc, vous voyez, on a deux leviers. Un levier où on fait des appels en urgence pour avoir des donneurs de la Réunion, et notamment de nouveaux donneurs. C'est vraiment l'idéal. Mais si jamais ces donneurs ne répondent pas, on fait appel à la métropole et on apporte des produits de façon à assurer la sécurité de la transfusion, ce qui a été le cas. Donc le stock, ça y est, c'est reparti. Nathalie Grondin. C'est reparti, oui. D'ailleurs, on remercie les donneurs qui se sont mobilisés. Parce qu'effectivement, pour des raisons de compatibilité, c'est mieux, et en termes de réactivité également. Donc on a des donneurs O+ et O négatif qui se sont mobilisés en nombre sur les deux dernières semaines qui se sont écoulées. Et grâce à eux, on a pu remonter un niveau sécuritaire sur ces groupes. Après, la durée de conservation des produits sanguins pour les globules rouges, ce n'est que de 42 jours. Donc on a vraiment besoin que les gens se mobilisent régulièrement. Beaucoup de personnes ont compris l'enjeu de se mobiliser dans la durée. Et on a des donneurs qui reviennent, on va dire, spontanément. Oui. Donner leur sang. Ceux qui donnent de manière occasionnelle et qui ont finalement plus donné juillet-août parce qu'on a fait des appels particuliers et qu'on a été un peu plus médiatisés sur cette période-là, on les invite vraiment à réitérer leur don 8 semaines après, mais au moins 2 fois par an. C'est un peu l'idéal. Si les donneurs, les 17 000 personnes qui sont connues et qui sont actives, donnaient 2 fois par an, on aurait effectivement beaucoup moins de tension sur les stocks. Nathalie Grondin, Hervé Renard, les experts du don de sang, donc pour l'EFS, l'établissement français du sang, répondent à toutes les questions au standard de la première au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Demain, nous serons le 1er septembre. L'éclipse annulaire, Nathalie Grondin. Oui, alors l'éclipse annulaire. Et demain, les collectes n'auront pas lieu. Alors, pas toutes. C'est vrai que les dispositions ont été prises un peu, on va dire, très récemment par beaucoup d'organisations, y compris l'éducation nationale, et en tout cas au niveau des collectivités. La mairie du Tampon, qui nous accueille donc demain normalement, ne nous accueillera pas, simplement parce qu'on a été contraint d'annuler la collecte suite à la révision en fait, des horaires d'ouverture de la mairie. Concrètement, la mairie sera ouverte jusqu'à 11h30. Or, nous collections jusqu'à à 12h30. Il faut savoir que quand on communique les horaires d'ouverture d'une collecte, nous sommes là encore un petit moment après. Simplement parce qu'on arrête les inscriptions, mais les donneurs qui se sont présentés, on termine de les faire passer dans le circuit de du parcours du don, le temps de les prélever, le temps de ranger le matériel, etc. Donc on est là quand même une heure et demie encore après la fermeture. Et donc du coup, c'était pas compatible avec les nouvelles dispositions qui avaient été prises par cette mairie. Donc on informe. Et c'est annulé. C'est annulé demain sur la mairie du Tampon. Sur la mairie du Tampon uniquement. Hein. Donc les autres points de collecte que sont ceux du GHER, donc on sera effectivement au GHER de Saint-Benoît demain, de 9h30 à 14h. Ce point de collecte est maintenu, donc si vous voulez donner votre sang du côté de Saint-Benoît, c'est possible. Les deux sites fixes seront ouverts, donc de 8h à 14h, CHU de Belle-Pierre et le 58 rue Suffren à Saint-Pierre. Donc il y a toujours la possibilité de donner demain, avec toutes les précautions bien sûr d'usage, portez vos lunettes et puis faites attention à vous. Mais quoi qu'il en soit au niveau du don du sang, mis à part la mairie du Tampon, et on essaiera vraiment pour les donneurs du tampon de trouver une solution pour leur proposer donc un point de collecte supplémentaire pour rattraper celui-là. Hervé Renard, vous serez où demain alors pour l'éclipse annulaire à l'EFS? Moi je serai au travail bien sûr, alors peut-être que comme toute personne de la Réunion, lors de l'horaire de l'éclipse, je serai un petit peu dehors pour regarder cette éclipse. Alors c'est vrai qu'on n'a pas anticipé deux choses au niveau de l'EFS, ce qui est un petit peu dommage, mais bon je reconnais que parfois on n'a pas tout anticipé. On n'a pas anticipé parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse offrir aux donneurs des lunettes justement de protection, ça aurait été une bonne chose, mais des ça on n'a pas anticipé. EFS. Soit des lunettes de l'EFS, soit se débrouiller pour avoir des lunettes qui étaient distribuées, je le rappelle, gratuitement pour les gens de la Réunion. Donc ça, on a participé parce que ça aurait été un beau cadeau de faire aux donneurs qui venaient justement au moment de l'éclipse de leur mettre les lunettes. Et puis ça aurait été même au niveau d'image, peut-être une image sympathique de voir des donneurs avec des lunettes un petit peu comme des soudeurs, à regarder l'éclipse et à donner leur sang. Voilà, ça on l'a pas anticipé, ce qui est une erreur de notre part et je l'assume. Ce qu'on n'a pas anticipé par contre, et là je peux pas l'assumer, c'est effectivement des lieux de collecte qui ferment, des écoles qui ferment, qui font que peut-être les gens vont moins se mobiliser pour donner leur sang, ce qui est toujours un petit peu dommageable pour nous. Voilà. Jusqu'à 11h30, vous allez répondre aux questions des auditeurs sur la première au 02 62 99 2000. Les conditions pour pouvoir donner son sang, de quel âge à quel âge on pourrait donner pour faire le geste, et puis alors cette histoire de 49 kilos qui ne passe pas auprès des surtout des auditrices, parce que si vous pesez 49 kilos, vous ne pouvez pas faire le don de sang. Every beautiful thought's been already sung, and I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of on, you are beautiful, like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again, and I want you to know. 200 sur la première, jusqu'à 11h30 avec les experts. Martine est avec nous. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente Hervé Renard, directeur de l'EFS, et Nathalie Grondin du service communication. Vous avez une question pour nous, s'il vous plaît. Entendez. Alors oui, en fait, je voulais savoir, lorsqu'on a donné son sang, combien de temps on doit attendre de délai pour faire du sport ? Pour faire est-ce du que c'est 48 sport heures, est-ce que, ou alors on peut faire le lendemain ? Hervé Renard. Alors la réponse est très claire, dès le lendemain vous pouvez faire votre sport. C'est vrai que c'est le jour du don où on demande aux gens de prendre des précautions, parce que le jour du don, il faut un petit peu le temps qu'on vous prélève quand même pratiquement 500 millilitres de sang, si vous donnez du sang total. Et donc le jour de ce don, là on préfère prendre des précautions pour vous, et donc de vous demander d'être au repos, de ne pas faire de sport, en tout cas intensif. Voilà, vous rentrez mais chez le lendemain, vous faites une sieste quoi. C'est... Voilà, on a le droit de rentrer chez soi, de faire la sieste, et de ne pas faire la vaisselle, ni le repas, à la limite on laisse son mari faire ça. Voilà, c'est un message, entre guillemets. Mais le lendemain, il y a un petit organe qui s'appelle la rate, et qui est une réserve de globules rouges, de plaquettes, etc. Et elle est chassée, cette réserve, elle va dans la circulation sanguine, et donc le lendemain, vous avez pratiquement tout récupéré. Après, pour faire cette réserve dans la rate, il va falloir 3 semaines, 1 mois. C'est la raison pour laquelle on vous demande d'attendre 8 semaines avant de redonner pour à nouveau votre sang, pour être certain que la réserve, elle, se soit refaite. Mais d'accord. Par contre, pour les activités sportives, sans aucun doute, vous pouvez reprendre dès le lendemain. D'accord, ok. Mais alors, vous êtes donneuse régulière ? Oui. Et la dernière, c'était quand ? C'était lundi, j'étais au CHU. Eh bien, merci beaucoup. Et 2 jours après, elle appelle réunion première pour en parler. Et en plus, elle est enfant pour appeler. Non, mais je donne souvent mon sang. Et même quand je pars en vacances en métropole, s'il y a des dons de sang et que je suis disponible et que je suis dans le délai, je donne aussi. Alors, vous êtes de Saint-Denis, donc vous allez à l'EFS du CHU. Je vais au CHU, ou sinon, je vais lorsqu'il y a des collectes dans les hôtels ou dans les grandes surfaces. Ou voilà, je sais que hier, c'était à l'aéroport, donc... Lundi, j'étais à Saint-Denis, puis après, en regardant sur Facebook, je crois, j'ai vu que vous étiez hier à l'aéroport, mais bon, j'avais donné lundi, c'est pas grave. Mais c'est super. L'essentiel, c'est de donner son sang. Exactement. Voilà, pour sauver des vies. Et dans quelques temps, je vais essayer de donner le plasma, je vais tenter la première expérience. Tenter l'expérience, Hervé Renard. Vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, parce que pour l'instant, elle fait don de sang, et là, elle voudrait... Allez, je suis un petit peu désolé de ma réponse, mais... Comment ça ? Parce que, laissez-moi l'expliquer, parce qu'on va arrêter le don de plasma avec les machines sur La Réunion. La raison pour laquelle nous l'arrêtons, c'est parce que nous avons réussi à trouver une nouvelle méthode qui permet de tirer le plasma issu de votre sang total et de pouvoir avoir le plasma thérapeutique pour nos patients. D'accord. Donc on n'a plus besoin de passer par les machines pour donner du plasma. Ah. Par contre, on a besoin... absolument de nouveaux dons avec des machines qui s'appellent les dons de plaquettes. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, le don de plasma vous l'aurez plus sur La Réunion, mais par contre le don de plaquettes, on en a besoin de façon très importante tous les jours. Donc là peut-être ça serait une très très bonne idée de venir vous présenter pour un don de plaquettes. Ça vous fait sourire, ça, Martine. Bon, prochaine collecte alors. On en reparlera. À la prochaine collecte, si votre numération plaquettaire montre que vous avez un taux suffisant de plaquettes, on vous prendra sans aucun problème en plaquettes. Nathalie Gronda. Voilà. Par contre, le don de plaquettes, effectivement, sur rendez-vous, comme le don de plasma, donc ce sont des dons qui se font exclusivement sur les sites fixes de l'EFS. Mm-hmm. Donc si vous êtes effectivement intéressé, il suffit juste de, lors de votre prochain don, que ce soit sur une collecte mobile ou un site fixe, expliquez juste que vous voulez devenir donneur volontaire de plaquettes, et on vérifiera que tout est OK pour que ça puisse se faire, et un rendez-vous vous sera donc proposé en semaine. D'accord. Et donc ça dure quand même 90 minutes. Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Eh bien, super. Je me rends disponible, voilà quoi. Ça me plaît de le faire. Vraiment, c'est avec bon cœur, je prends plaisir à y aller à chaque fois. Voilà. Je vais garder ce petit bout-là pour faire un jingle après. Ah non. c'est beau ce qu'elle a dit. C'est magnifique, il n'y a pas meilleur message. Merci madame. Martine, merci. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée avec la première, merci à vous. Au revoir. Daisy est avec nous. Bonjour Daisy. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Daisy, vous avez une très belle histoire à nous raconter, notamment sur le don de sang. C'était il y a 17 ans de cela. Oui, voilà, il y a 17 ans de ça. C'est à la naissance de ma fille en 99. Voilà, j'ai eu une grossesse très difficile. Et après ça, une hémorragie. Hein, j'ai fait une grosse hémorragie. Et à mon réveil, je vois que je suis transfusée. Ouais. Et voilà. Et j'allais perdre la vie, hein. Ça c'est sûr, le docteur m'a dit. Même avant la transfusion, j'avais fait deux arrêts cardiaques. Et quand je vois aujourd'hui, je suis encore vivante grâce au don de sang d'une personne ou de plusieurs personnes. Hein. Comment ne pas appeler, hein, il faut rester... J'ai envie de dire aux gens, je suis encore émue aujourd'hui après 17 ans, hein, de dire aux gens, il ne faut pas rester indifférent de cette belle action. Hein. Il faut se mobiliser, il faut donner son sang. Parce que regarde-moi, je vois ma fille grandir. Elle grandit et c'est grâce à quoi ce don? Voilà, c'est mon histoire à moi et aujourd'hui, j'aime bien parler, dire aux gens, il ne faut pas rester indifférent, pourquoi? Ce n'est pas que pour la famille. Mais demain, il y aura les petits arrière-petits-enfants qui vont demander, qui en auront besoin. Alors, midi à toute créole, laisse pas la Réunion tomber, laisse pas d'autres enfants tomber. Là, mi cause un petit coup en créole, parce que c'est pour la Réunion, apparemment, j'ai entendu dire qu'il faut nous faire en France pour avoir le sang. Non, les Réunionnais, écoute, nous l'a besoin le sang aujourd'hui. Ça, c'est pour nos enfants, petits-enfants, grand-mère, grand-père. Un accident peut arriver à n'importe qui. Et le sang, nous l'a besoin. C'est la vie. Alors, écoute, écoute votre cœur, donne. Écoute votre cœur, maman. C'est parler, c'est dit avec le cœur, là, Désir. Ah là, oui, parce que je suis encore émue, hein, c'est 17 ans de passé, mais je parle avec toujours avec une grosse émotion. J'allais perdre la vie, monsieur, hein. J'allais perdre la vie. Et aujourd'hui, je peux dire un dernier mot à la population? Bien sûr. Je vais leur demander une petite question, hein. Il y en a des gens qui disent, j'ai peur de la piqûre. Ok, c'est vrai, d'accord. C'est vrai, ouais. Vous avez peur de la piqûre. Je parle à tout le peuple de La Réunion, hein. Et arrivé un jour, vous allez mourir dans une demi-heure. On vous dit que dans une demi-heure, vous allez perdre la vie, madame. Il faut vous mettre une piqûre. Quelle réponse vous allez donner? Là, je ne donne pas la réponse. Je dis aux auditeurs qui m'écoutent, toute La Réunion entière, donnez la réponse eux-mêmes. Voilà ce que je voulais leur dire. Restez avec nous, Hervé Renard. Oui, je reste avec vous. Donc je vais répondre d'abord à votre dernière réflexion que je trouve formidable. C'est vrai que la peur de la piqûre, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours chez les donneurs. Et moi, je suis donneur de sang. Je peux vous avouer que quand j'étais jeune interne, j'avais peur de la piqûre. Mais la surprise, ça a été que cette piqûre n'était pas si effroyable que cela. Et puis, par rapport à la piqûre, il y a ce que vous venez de dire, il y a le courage. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu le courage d'affronter cette petite douleur de façon à pouvoir sauver derrière des vies. Et puis après, quand on est habitué, la piqûre, on la sent plus. Par contre, je veux absolument revenir sur votre première intervention qui était effectivement, vous avez eu ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance. Lors de l'accouchement, là. Lors de l'accouchement, il y a un risque qui est absolument vital. C'est alors, bien sûr, que toutes les grossesses, en général, se passent très bien. Mais au moins une fois par jour à La Réunion et sur le territoire de l'océan Indien, au moins une fois par jour, une femme a ce qu'on appelle à l'accouchement une hémorragie de la délivrance. C'est-à-dire c'est une hémorragie qu'on ne peut pas arrêter. Une fois par jour? Une fois par jour sur le territoire de l'océan Indien, il y a une hémorragie de la délivrance. Et ça, il faut transfuser tout de suite. C'est ce que vient de dire la dame. Hein. Si on ne transfuse pas immédiatement, la personne, elle décède. Parce que le temps que les chirurgiens stoppent l'hémorragie, il est déjà trop tard. Il y a de toute façon de stopper l'hémorragie dans une hémorragie de la délivrance. Oui, c'est soit de faire une embolisation, donc il y a quelques équipes très très très pointues qui arrivent à le faire, et heureusement à La Réunion on en a, de ce genre d'équipe, ou alors d'enlever l'utérus. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de redoutable, et pendant le temps que ces équipes puissent réagir, il faut absolument transfuser. Donc encore une fois, je rejoins cette dame, à chaque fois qu'il y a une hémorragie de la délivrance, il faut transfuser pour sauver ses vies. Donc la preuve est vraiment là pour montrer que le don du sang chaque jour, là pour la grossesse, sauve des vies. Nathalie Merci Grondin. Madame pour votre témoignage en tout cas. Nathalie Grondin. Je vous remercie aussi pour votre témoignage parce qu'effectivement, quand ce sont des personnes qui ont reçu, il n'y a pas de meilleur porte-parole et puis vous avez tout dit. Vous avez dit aussi que un donneur ou plusieurs donneurs. Je vous donne la réponse, c'est plusieurs donneurs. Une femme qui a une hémorragie comme la vôtre, ce n'est pas qu'un donneur, mais plusieurs. C'est 10 à 17 poches à peu près qui sont transfusées. Donc ça veut dire que 10 à 17 personnes ont donné pour que vous puissiez garder, avoir la vie sauve. Donc c'est quand même un beau message et puis on espère qu'il sera entendu et que ceux qui doutent encore viennent voir un peu comment ça se passe. J'espère aussi, parce que aujourd'hui je vois que je peux plus donner, Hein, on m'a dit que ben non, vous avez été transfusée. J'étais sur la table, bien installée, pour donner mon sang. On m'a dit ben non. Alors là, je suis partie le cœur gros. Hein. Oui, voilà. Hervé Renard. Alors là aussi, j'ai une information. Pour l'instant, vous avez raison. Les gens qui ont reçu du sang sont contre-indiqués. On est en train de revoir l'ensemble des directeurs régionaux dont je fais partie, plus les experts de la transfusion, sont en train de revoir cette contre-indication. Vous savez qu'en ce moment, on est en train de changer un petit peu certaines contre-indications au don du sang. Eh bien, en voilà une qu'on risque de modifier et peut-être de pouvoir reprendre les gens qui ont été transfusés comme vous, de façon à ce qu'ils puissent enfin redonner leur sang. Oh, très très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Daisy, oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Votre fille qui a 17 ans, hein, c'est ça? Oui. Elle s'appelle comment? Terminale, Lucille. Lucille. Elle est en terminale. Voilà. Mais écoutez, vous l'embrasserez pour nous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Les experts de l'établissement français du sang, Hervé Renard, Nathalie Grondin, sont avec nous. Les questions, les réactions, 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Alors, travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Stromae sur Radio Première. Première. Hervé Renard, Nathalie Grondin, les experts du don de sang sur la première. Les conditions, s'il vous plaît, pour les auditeurs de la première, ceux qui hésitent encore à le faire, à se rendre dans les lieux de collecte et ou bien sinon à l'EFS de Saint-Denis ou de Saint-Pierre. Ces conditions, Hervé Renard. Alors, elles sont relativement simples à expliquer en radio. Hein. C'est effectivement être en bonne santé. Ça, c'est la condition première. Avoir entre 18 et 70 ans. Et puis ce fameux poids pesait plus de 50 kilos. Alors je sais que ça va encore être la polémique de cette histoire-là, mais enfin c'est la loi, on est obligé de la respecter. En dessous de 50 kilos, on prend un risque quand même, parce qu'on prend 500 millilitres, et nous on veut surtout pas prendre de risque avec un donneur. Au-dessus de 50 kilos, on prend pas de risque, donc là il n'y a pas de problème. En bonne santé, alors bien sûr que si les gens prennent beaucoup de médicaments, s'ils ont des maladies chroniques, s'ils ont des maladies cancéreuses, s'ils ont des maladies graves, on les prendra probablement pas. Donc là il y a deux façons de faire, soit ils se présentent en collecte tout de même pour voir le médecin qui va les interroger, les examiner et puis décider s'il les prend ou pas. Ou alors il peut, et Nathalie pourra mieux que moi donner le numéro de téléphone, il peut contacter l'établissement français du sang de La Réunion de façon à ce qu'il y ait un conseil médical avant de se déplacer en collecte pour savoir si la personne sera éligible ou pas au don. Mais je rappelle, bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos. Ne pas être sous traitement aussi. Alors, ça dépend des traitements. Ça dépend des traitements. Si vous avez un traitement lourd, par exemple deux ou trois traitements antihypertenseurs, on vous prendra pas parce qu'on prendra un trop grand risque à vous prendre du sang. Par contre, si c'est juste un anti-inflammatoire, voyez, tout cela sera à voir avec le médecin. Encore une fois, soit directement en collecte, mais avec malheureusement la possibilité d'être refusé, ou alors tout simplement pour éviter de se déplacer, de téléphoner et je demande à Nathalie de rappeler le numéro, de téléphoner à l'EFS de façon à ce qu'on puisse directement lui donner la réponse. Bon, il y a trois solutions en vrai. Donc le numéro de téléphone, donc c'est le suivant, 02 62 90 53 81. Et puis vous avez également le site internet www.dondusang.net sur lequel vous avez une liste, enfin la liste des contre-indications et puis quelques explications. On a la page bleue aussi, on a une page Facebook donc on est derrière, certains médecins aussi sont derrière. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en message privé si vous le souhaitez et on vous répondra. Avant de retourner au standard, écoutez Raphaël de Brapanon. Il y a cette réaction, alors on nous dit que lors de mon dernier don de sang, j'ai reçu un courrier de l'EFS, j'ai fait mon bilan, une petite anémie, donc je suis un traitement, dans combien de temps je pourrais refaire le geste qui sauve des vies. Oui, tout à fait. Alors là, déjà, elle parle d'une petite anémie. Une première observation à répéter, c'est qu'effectivement, le don du sang, on fait quelques bilans, et dans ces bilans, on repère des choses. Et donc, on a, nous, l'obligation, lorsqu'on a repéré une légère anémie ou même un marqueur de virus, on a l'obligation d'informer le donneur. C'est la raison pour laquelle on a envoyé ce courrier à ce donneur. Et voyez, cette petite anémie qui, effectivement, est probablement bénigne et banale, il faut quand même la traiter, donc il va prendre du fer pendant un certain temps. Après, peut-être que le médecin va essayer de savoir d'où il a perdu un peu de sang en dehors du don du sang. Mais dès qu'il a récupéré un nombre suffisant de globules rouges via le traitement par le fer, il pourra sans aucun problème donner son sang. En général, c'est 3-4 mois. De toute façon, donc le donneur, il a reçu son courrier. Nous, ça a mis à jour en fait notre base de données à nous, ce qui fait que automatiquement, dès lors que le délai qui sera préconisé par le médecin sera écoulé, on pourra de nouveau lui envoyer des invitations. Donc dès qu'il recevra des invitations à nouveau de notre part, c'est qu'il a la possibilité de redonner. Et après, on va retester son nombre de globules rouges. Et si là, tout est OK, il pourra donner son sang. Raphaël de Brapanon est avec nous. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on vous écoute Raphaël. Oui, alors je disais, j'ai mon père qui a 94 ans, hein, il a eu la médaille d'or donc de donneur de sang, hein, ça se donnait à l'époque, je sais pas si c'est toujours de mise. C'était à La Réunion ça? À La Réunion même, oui. Il a 94 ans. Il a 94 ans, il a donné jusqu'à toutes ses possibilités, jusqu'à ce que c'était possible en fait, hein, jusqu'à la fin. Ouais. Et maintenant, alors j'ai un peu honte moi en fait. J'ai pourquoi? Parce que j'ai pas suivi et puis j'ai pas emboîté le pas du fait que j'ai eu un mauvais souvenir sur j'ai viré de l'œil un prélèvement pour le service militaire et depuis j'ai eu ce souvenir où je suis parti carrément dans les vapes et je n'y arrive pas quoi. Tout ça pour... Alors, pour me conseiller, en fait, pour me tirer... Mais alors, attendez, Raphaël, vous êtes allé dans les vapes, tout ça pour une piqûre, une histoire de piqûre. En fait, non, je me suis senti allé parce que je me sentais vidé, en fait. J'ai viré de l'œil, voilà. Ah ouais, ça... Alors, Hervé Renard, ça arrive, ça? Alors... Deux choses. Ça arrive, ça arrive lors d'un premier don. Il ne faut pas cacher, il faut être honnête. Ça arrive souvent à un premier don. C'est la raison pour laquelle on fait beaucoup plus attention aux premiers donneurs qu'à des donneurs qui ont l'habitude, comme votre père dont vous parliez. Alors, la deuxième chose, c'est l'armée. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de faire des collectes dans l'armée quand j'étais plus jeune, et c'est vrai que ça tombait comme des mouches. Parce que les pauvres militaires, ils venaient de faire un exercice juste avant, ou enfin bon, c'est un petit peu compliqué à l'armée. Je ne veux pas accuser du tout les militaires, hein, mais c'est un petit peu à la chaîne, ça se passe un peu rapidement, on n'a pas beaucoup de temps pour le repos. Vous voyez, il y avait des conditions qui faisaient que c'était votre premier don, c'était à l'armée. Moi, ça ne m'étonne pas que vous ayez fait un malaise. Alors, pour vous rassurer, moi, et pour rattraper votre père, il faut y aller assez rapidement maintenant, hein, si vous voulez rattraper votre père et avoir la médaille d'or. Non, ceci dit, c'est une plaisanterie, mais enfin, essayez de redonner à l'EFS, et moi, je vous conseille de venir en site fixe, où on est quand même plus à l'aise pour pouvoir être au repos, etc. Et je vous assure, à la limite, je viendrai à côté de vous si vous voulez, mais je vous assure que vous ne ferez pas de malaise. Enfin, je ne peux pas l'assurer à 100%, mais on a quand même des techniques maintenant pour éviter les malaises, et notamment de repos après le don, qui sont très importante. N'ayez pas peur, vous franchissez le pas, vous venez nous voir si vous n'êtes pas contradiqué médicalement, hein, si vous avez toutes les conditions de santé, voilà, vous venez. J'ai une petite grippe, est-ce que ça peut changer quelque chose, je veux dire une grippe ou quoi que ce soit. La petite grippe de Raphaël. Bah, tout dépend si c'est vraiment un épisode infectieux, et là il faudra attendre effectivement 2 semaines avant de redonner. C'est un rhume, hein, c'est... Je pense pas que ce soit une grippe... Vous n'avez pas eu de fièvre, vous n'avez pas... Non. Moi, si je peux me permettre, venez quand même en bonne santé. Si vous avez une petite grippe, attendez un peu, je n'aurai pas que... Parce que la grippe, ça fatigue longtemps. Donc, laissez passer 15 jours, et après l'épisode même de petite grippe, venez, et là, dans les meilleures conditions, on vous prendra, on vous laissera au repos, on vous fera boire des jus de fruits pendant que vous êtes allongé, enfin voilà. On aura des techniques qui vous permettront de faire ce don sans aucun problème. Et dans les petits conseils, donc, c'est déjà de ne pas venir à jeun, parce que ça, c'est un mythe. Donc, il faut avoir mangé donc, normalement, tout simplement. Bien vous hydrater avant le don. L'idée, c'est de boire une petite bouteille d'eau dans les 30 minutes avant de donner son sang. Et si vous avez un peu d'appréhension, c'est de venir accompagner. Alors, c'est très sympa chez nous, hein, on discute, il y a un peu de musique, c'est très convivial. Vous êtes une personne en bonne santé qui partageait sa bonne santé. Donc, c'est vrai qu'il faut venir détendu. Et puis, des fois, le fait de venir accompagner, ça permet vraiment d'être dans de bonnes conditions. Les malaises, aujourd'hui, effectivement, on arrive à les éliminer. Pourquoi ? Parce que la plupart des malaises étaient des malaises qui étaient dus à une anémie. Donc aujourd'hui, qu'on teste l'anémie avant de donner, c'est des choses qui permettent justement d'éviter les malaises qui sont aujourd'hui très peu nombreux. Mais c'est vrai que c'est plus chez les nouveaux donneurs qu'on les retrouve. Bon, vous avez donné une première fois, donc normalement... on a passé ce cap. Alors, cette médaille d'or de votre papa, j'imagine que vous en êtes fier, que la famille aussi est très contente. Surtout que chrétien catholique comme on est, je veux dire, ça participe aussi à ce don de vie, hein, à ce don qu'on donne de soi-même pour les autres, par amour, par charité, tout simplement. Par charité, par amour. Oui. Alors oui, Hervé Renard et Nathalie Grondin, la médaille d'or, on la donne toujours ou pas ? Alors on a repris, Nathalie en parlera aussi bien que moi, mais on a repris justement la distribution de diplômes et de médailles depuis l'an dernier, hein, puisque moi j'ai inauguré la première remise de médailles à Saint-Denis l'an dernier, en présence de Madame Aude, enfin en présence de personnalités de Lille. Ça a été une remise très très très sympathique, et les gens étaient très très fiers et très contents d'assister, et puis d'avoir leur médaille et leur diplôme, la reconnaissance. Et puis je crois qu'on va la faire à Saint-Pierre. Effectivement, donc Nathalie en parler. L'idée, c'est de faire une fois dans le nord, une fois dans le sud, et puis on espère pouvoir tourner dans les quatre coins de Lille. Donc la prochaine, c'est le 24 septembre. On le fera à la Villa de Lille, et donc les invitations sont parties. On a déjà une quarantaine de donneurs qui nous ont confirmé leur présence, et effectivement, l'idée est de récompenser les donneurs qui ont donné plus de 45 fois dans leur carrière de donneurs, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est vraiment souligner l'engagement et l'implication de ces personnes qui donnent, et qui donnent régulièrement depuis des années. Donc on a... On a la chance finalement d'avoir aussi des donneurs très réguliers à La Réunion et on, au travers des émissions, on les entend parler, s'exprimer. Donc c'est une manière pour nous de leur dire merci et de, voilà, de marquer le coup. Raphaël, merci beaucoup pour ce témoignage et puis votre papa, vraiment chapeau. Hein. Merci. Super. À vous. Et puis on vous attend. Niark. À bientôt Raphaël. À bientôt. Nous irons retrouver à la Plaine des Palmistes Noé, donc Noé Babé qui est directeur d'école. 5h, 8h, grand matin sur Réunion Première. C'est l'heure du café. Bonjour. On est ravis de vous accompagner, de faire la route avec vous. On parle plein de vitamines ce matin. Peut-être au pied du lit pour vous ou déjà sur la route. La très bonne route avec La Première. On est dans le même bateau, c'est pour ça qu'on est content d'être avec vous. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Lorette du lundi au vendredi de 5h à 8h sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Noé Babé, directeur d'école à la Plaine des Palmistes, bonjour. Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec moi dans ce studio, donc Hervé Renard, directeur de l'EFS, et Nathalie Grandin du service communication. Vous êtes directeur d'école et vous êtes aussi un donneur, Noé Babé. Oui, donneur de sang. Donneur régulier de plaquettes. Tous les mois, je pars au CHU de Belpierre. Donneur régulier. Voilà. Au départ, c'était le don de sang et aujourd'hui, vous êtes un donneur de plaquettes. Oui, donneur de plaquettes depuis déjà plusieurs années. Hein. Ouais. Alors, si on peut rappeler la différence aussi entre don de sang et don de plaquettes, parce qu'on a pas mal de réactions par SMS, notamment Hervé Renard. Alors donc déjà, je vous remercie énormément, monsieur, hein, puisque hein, les donneurs de plaquettes sont très rares et donc votre don est très précieux. Je vais essayer de m'en expliquer un peu plus au micro. Donc le don de sang total, c'est un don qui prend tout, mais dans une moindre quantité pour chacun des éléments du sang. On prend des globules rouges, on prend du plasma, tel que je vous en ai parlé tout à l'heure, et puis on prend des plaquettes. Les plaquettes qu'il y a dans un don du sang sont en quantité très faible, dans un don du sang total. Pour vous donner une image, il faudrait, pour être l'équivalent d'un don de plaquettes tel que cet auditeur donne, il faudrait 5 ou 6 donneurs de sang total pour avoir l'équivalent de ce que donne ce monsieur. Donc vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Donc on arrive quand même à faire des plaquettes avec ce sang total, mais c'est ce qu'on appelle des mélanges de plaquettes. Il faut 5 à 6 donneurs pour avoir la quantité suffisante. Et là, ce que fait monsieur est très important pour nous, hein, ce qu'on appelle le don de plaquettes par aphérèse. Ça donne un concentré de plaquettes suffisant pour traiter un malade et c'est un don très très précieux. Je rappelle que ce don sert beaucoup pour les enfants et les leucémies. Donc vous voyez, là on touche à quelque chose d'émouvant, hein, puisque c'est vraiment pour réanimer des greffes de moelle, pour sauver des vies. D'accord, parce que les plaquettes servent à empêcher l'hémorragie. Donc c'est vraiment lorsqu'on fait un traitement de leucémie, lorsqu'on a parfois des grosses interventions chirurgicales, etc., sur des enfants comme sur des adolescents comme sur des adultes d'ailleurs, on a besoin de plaquettes tous les jours. Et en plus, le problème que posent les plaquettes, c'est qu'elles se conservent que très peu. Elles se conservent 5 jours. Donc le donneur de plaquettes tel que ce professeur d'école est très très très précieux. Donc vraiment, monsieur, merci pour votre générosité. Alors vous êtes sur la Plaine des Palmistes et donc une fois par mois, vous allez à l'EFS de Saint-Denis. Voilà. Voilà, vous faites des kilomètres, mais pour vous, c'est important. C'est important, oui, de donner mes plaquettes. Voilà, c'est un choix de vie. Ouais. Et je n'hésite pas, chaque fois que je pars à Saint-Denis, à mon retour dans l'école, j'essaie de motiver les enfants des CM2, j'interviens dans les cas de CM2, et motiver les enfants pour qu'un jour, quand ils seront majeurs, ils puissent donner leur sang et aussi les plaquettes. Alors, comment vous intervenez avec les enfants? Vous leur expliquez ça comment, alors ce don de sang avec ces enfants de CM2 à l'école de la Plaine des Palmistes? Oui, d'une manière très simple, puisque le sang, c'est aussi dans le programme scolaire. Donc, j'ai une centaine d'élèves des CM2, donc 4 cas de CM2. Donc, j'interviens donc dans les cas pendant 20 minutes, avec projection, et surtout leur montrer que donner son sang, c'est sauver des vies. Ça, c'est notre slogan, et leur apprendre que on donne son sang pour sauver, pour venir en aide aux malades, aux opérés, etc. Et donc, bien sûr, ils m'écoutent. Hein. Ils sont très attentifs. Ah, très attentifs. Et mes collègues aussi. Là où ce matin, il y a le don du sang à la place des palmiers, j'ai des collègues qui sont allés donner leur sang. Vos collègues sont partis là, en ce moment, avec la collecte de sang sur la plaine des palmiers. Ah, voilà, oui. Ils m'ont demandé une demi-heure, et ben là, ils sont partis. Nous, et moi, je m'occupe des enfants. Les grondins, oui. Oui, on vous connaît bien, monsieur Babet, et puis on vous remercie de votre intervention. Donc, en tout cas, je vous remercie officiellement de faire continuer ce module-là, qui est très important, à mon sens, l'éducation en don chez les CM2. On a quand même pas mal d'écoles aussi qui continuent à faire ces interventions, et c'est très important. On voit, quand on organise la fête de la science et qu'on y participe, que les élèves de CM2 sont à un niveau de connaissance dans certaines écoles qui sont remarquables, et qui du coup peuvent expliquer aussi à leurs parents qui peut-être ont peur de la piqûre l'intérêt de donner son sang. Et effectivement, on est, merci de le signaler, à la plaine des Palmistes, salle des fêtes, jusqu'à 12h30. Donc si des personnes de la plaine des Palmistes nous entendent, on est ouvert jusqu'à 12h30, n'hésitez pas. Hervé Renard. Oui, donc moi je voulais vous remercier aussi à deux niveaux. Un, je trouve que c'est remarquable de faire de la pédagogie sur le don du sang, et c'est ce que vous faites de façon remarquable, encore une fois. Et puis en plus, vous donnez l'exemple, donc ça c'est vraiment, là vous êtes, pour moi, vous êtes le donneur parfait. Et ce que je tiens à souligner, lorsque vous faites cette formation ou cette information aux enfants, et ça moi je l'ai connu, c'est que les enfants après ils en parlent aux parents. Et ils disent aux parents, mais enfin, moi, mon professeur, il m'a dit que le don du sang, ça sauvait des vies. Et qu'est-ce que vous faites là, papa, maman, vous donnez votre sang? Et vous voyez, vous êtes aussi motivé derrière, ça fait aussi bouger les lignes et parentales. Et ça, je trouve que c'est remarquable. Donc, merci, monsieur. Et beaucoup de parents chez moi étaient mes anciens élèves. Eh bien, écoutez, grâce à vous, on n'a pas fini d'avoir de nouveaux donneurs. Je crois aussi que les centres, notamment de Saint-Pierre et de Saint-Denis, sont ouverts au public. Non, les enfants peuvent y aller. Ah oui, on organise des visites de sites, plateaux techniques. On se déplace aussi dans les établissements, donc bien sûr. Et puis, encore une fois, c'est même bien que les enfants accompagnent, alors là, pour le coup, les parents qui sont donneurs de sang, parce que ça banalise le don. Ça montre aux enfants que c'est pas si horrible que ça, et que il ne faudrait pas effectivement que le parent ou la maman ou le papa tombe dans les pommes, là, pour le coup, mais ça montre en général que ça se passe très bien. Et les enfants, moi, je l'ai connu avec ma fille, elle touchait presque les aiguilles en disant oh, c'est beau le don du sang, etc., alors qu'elle avait 4 ans. Donc voilà, ça banalise le don du sang, ça permet aux enfants, ensuite, lorsqu'ils sont en âge de donner, de plus avoir peur de cette fameuse piqûre. Alors, introduction, mais à tapis rouge. Effectivement, aujourd'hui, nous avons un concept d'ouverture de la Maison du Don un peu exceptionnel. C'est le don en famille. Donc là, on est typiquement dans ce qu'on vient d'expliquer. C'est la possibilité pour les parents de venir donner avec leurs enfants pour leur montrer un peu ce que c'est le don du sang, et aussi avoir l'assurance que les enfants seront bien encadrés, parce qu'on a une animatrice, donc Juliette au Pays des Marmailles, pour ceux qui la connaissent, qui propose donc des petites animations aux enfants pendant que les parents donnent leur sang. Noé Babet, directeur d'école, et le nom de votre école, s'il vous plaît? Élémentaire Claire et nous. L'école Claire élémentaire Claire et nous. Claire et nous, à la plaine des Palmistes. Et voilà. Nous, H-E-N-O-I, voilà. Bah écoutez, vous embrassez tous les enfants de l'école et je vous souhaite une très belle journée avec la première. Merci pour le don de sang. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Les questions, les réactions au standard avec nos experts Hervé Renard, Nathalie Grondin au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. Le temps fait de connaissance, mais laisse pas moins dans l'ignorance. Toi, Mozanté, mon maman, dis pile, raconte-moi toute sa souffrance qui te traverse, toi. Toi, Mozanté, sortir à van, triangle, tout ça l'a personné. La Zoli, Zodi, nouveau Messie. Nena qui ne fait cérémonie, que de service camarade, tous à la poule, même but, respecté, honoré. Oui, chacun son raison, chacun sa tradition, n'a roule, c'est gawe, n'a fait la frisson. Même si la marée fait monter, la vraie dimanche fait arriver, la main nous arrête pas, non, non, non. Réunion Maurice en action, la même Maurice la réunion, il donne un haut aux vibrations. Il est 11h sur la première. Nous revenons sur le don de sang juste après l'info présentée par Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Claude, bonjour à tous. La nouvelle est tombée hier soir. Erika Barecht est la nouvelle ministre des Outre-mer après la démission de Georges-Paul Langevin qui évoque des raisons personnelles pour expliquer son départ du gouvernement. Déjà membre de l'équipe gouvernementale depuis le début de l'année en tant que secrétaire d'État à l'égalité réelle, Erika Barecht doit prendre ses fonctions dans les minutes qui viennent. La cérémonie de passation de pouvoir doit débuter dans un instant. À midi, nous serons en direct de la rue Houdini à Paris, où se situe le ministère des Outre-mer. Informé de sa nomination par un coup de téléphone de l'Élysée hier après-midi, Erika Barecht a réagi en parlant notamment de sa fierté d'être la première femme réunionnaise à devenir ministre à part entière. L'annonce de sa nomination a suscité de nombreuses réactions à la Réunion parmi la classe politique. La plupart saluent le parcours d'Erika Barecht et lui souhaitent de réussir dans ses nouvelles fonctions. On fait le point sur l'essentiel de ces réactions avec Bruce Régent dans le journal de midi. On parlera aussi de l'incendie qui fait rage au volcan et qui a provoqué l'évacuation du gîte. Depuis hier soir, un important dispositif a été mis en place par les sapeurs-pompiers et des moyens aériens sont également mobilisés ce matin depuis le lever du jour. Plus de 10 hectares de broussailles auraient déjà été touchés. Pierre Comorassamy sera en direct du Pas de Bellecombe tout à l'heure. Autre information à la une de l'actualité de ce mercredi, c'est évidemment l'éclipse du soleil qui aura lieu demain à La Réunion. Les annonces de fermeture d'écoles pour des raisons de sécurité se sont multipliées ces derniers jours dans différentes communes de l'île. Et on peut déjà le regretter car l'observation de ce phénomène, qui doit se faire avec des lunettes spéciales pour éviter des lésions irréversibles de l'œil, a des vertus pédagogiques pour les marmailles quand elle est bien préparée. Ce sera d'ailleurs le thème de C'est dans l'actu à 12h15 sur Réunion Première Radio, juste après le journal. Pour en parler, Philippe Dornier recevra Pascal Schrapfer, le référent éclipse du rectorat, James Caratini, le directeur de l'association Science Réunion, et Jean-Luc Maurice, le directeur de l'association Les Petits Débrouillards. Vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 0692 70 2000, également sur les réseaux sociaux. Il est 11h02, juste avant de retrouver Chloé, Claude Montanet et les experts, un petit point sur l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de France Info. Ils retrouvent les bancs de l'école aujourd'hui, il s'agit des professeurs. La rentrée est placée sous le signe de la nouveauté avec deux réformes, celle du collège et celle des programmes. Une double pression pour les petits nouveaux, ils enseignent des programmes sur lesquels ils n'ont pas été formés. Il est attendu à Bercy d'une minute à l'autre. Emmanuel Macron transmet son portefeuille à Michel Sapin. L'ex-ministre de l'économie a démissionné hier sans annoncer clairement une candidature à la présidentielle de 2017. François Hollande, lui, s'apprête à présider son premier conseil des ministres de l'ère post-Macron. Le président plus isolé que jamais, lâché par sa droite et sa gauche. 11 personnes retrouvées mortes au Japon, dont 9 dans une maison de retraite. Elles ont été surprises par les inondations. Un puissant typhon a touché le nord-est du pays. C'est le 10e de la saison en Asie. Encore un symbole de rapprochement entre Cuba et les États-Unis. La compagnie aérienne américaine JetBlue inaugure un vol entre la Floride et Santa Clara. Le premier vol commercial régulier entre les deux pays depuis plus de 50 ans. 110 liaisons quotidiennes sont prévues entre les deux États. Dilma Rousseff vit sûrement ses dernières heures à la tête du Brésil. Les sénateurs doivent voter aujourd'hui pour sa destitution ou non. La présidente est accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour cacher le déficit. Sa destitution mettrait fin à 13 ans de gauche dans le pays. France Info. Il est 11h04 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. C'est un vent qui souffle bien aujourd'hui avec des rafales qui atteignent les 60 km/h sur les sommets. Le temps est toujours dégagé dans les cirques et un ciel moins nuageux dans les autres régions. Et en ce qui concerne le temps de cet après-midi, il y aura très très peu de changements par rapport à ce matin. Du vent pour Saint-Gilles. Dans l'intérieur, le ciel sera plutôt gris. Les températures maximales, 25 sur le littoral, 19 dans le cirque de Sillaos et 12 degrés au Pas de Bellecombe. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Le don de sang est au cœur de votre émission, les experts. Profitez de leur présence, surtout pour poser les questions au standard de la première, au 02 62 99 2000. À mes côtés, le directeur de l'EFS, Hervé Renard, et Nathalie Grondin du service communication. On reviendra sur les conditions, évidemment, pour pouvoir donner son sang, la différence entre le don de sang et le don de plaquettes, où faire le don et comment l'EFS, surtout, prévient ses donneurs réguliers. 99 2000 pour vos questions. Okay. Andrea sur la première. Les experts du don de sang, Hervé Renard, Nathalie Grondin, pour répondre à la question d'Alexandra qui demande pourquoi il n'y a pas de centre de don dans l'Ouest. Alors, ce qu'on appelle les maisons du don, effectivement, c'est quand même une grosse logistique, hein, puisqu'il faut un bâtiment, il faut une équipe tous les jours, etc. Donc, on a réservé ces maisons du don, ce qu'on appelle les sites fixes aussi, sur les grandes agglomérations. Donc, il y en a un, je le rappelle, sur Saint-Denis, à l'hôpital de Belle-Pierre. Et puis, il y en a un, une maison du don à Saint-Pierre, rue de Suffren. Voilà, on a deux maisons, deux sites fixes sur l'île de la Réunion, ce qui est déjà beaucoup. Franchement et honnêtement, on ne pourra pas en créer d'autres sur les autres agglomérations. Nathalie Grondin. Voilà, donc après, c'est vrai que les sites fixes sont pas forcément ont pas vocation à être développés. Par contre, l'offre de collecte, oui. Donc, on essaye de couvrir l'ensemble de l'île avec des horaires et de matinée et d'après-midi, des propositions en salle, des propositions en camion. Donc, on vient beaucoup dans l'Ouest, d'ailleurs, entre Le Port et Saint-Leu. On y est très, très souvent. Mais c'est vrai que j'ai eu la même remarque pour l'Est. Et malheureusement, ces structures-là sont lourdes et on n'a pas la possibilité de les développer. D'ailleurs, dans d'autres départements, il n'y a des fois pas de site fixe à proximité. Donc, on est quand même bien loti à La Réunion en ayant deux structures fixes qui sont ouvertes toute l'année. Posez toutes vos questions aux experts de l'EFS sur la première au 02 62 99 2000. Jean-Philippe qui patiente au standard. Juste la petite question de Doudouce donc, qui nous dit « J'ai une anémie importante. La dernière fois que j'ai voulu donner mon taux d'hémoglobine était trop bas. » Donc, et c'est vraiment dommage. Je souhaiterais donner mes plaquettes, mon plasma. Voilà, elle se pose plein de questions. Est-ce que c'est possible, Hervé Renard? Alors, les conditions pour donner ces plaquettes par rapport au taux de globules rouges sont un petit peu moins drastiques. Enfin, je conseille quand même à cette personne de remonter ses globules rouges. Si elle a une anémie grave, là, ça fait partie de ce que j'appelle, moi, les contre-indications temporaires au don du sang. Il faut vraiment qu'elle voit pourquoi elle a cette anémie. Ça, c'est pas le don du sang qui peut expliquer cette anémie, donc elle doit saigner quelque part. Et ça, c'est important de le savoir, que son médecin fasse des recherches pour savoir d'où ça saigne, pour pouvoir traiter la cause. Et puis, faire remonter les globules rouges, parce que je pense quand même qu'il faut être en bonne santé, même pour donner les plaquettes. Alors c'est vrai que la contre-indication, si elle a un taux de globules rouges bas, ne sera pas la même pour les plaquettes, hein, puisqu'on est plus tolérant pour les plaquettes que pour le sang total, où là où effectivement on prend des globules rouges. Mais enfin quand même, je préfère que cette donneuse soit en bonne santé et qu'elle fasse d'abord remonter l'ensemble de ses cellules, notamment les globules rouges, afin de pouvoir donner dans les meilleures conditions ses plaquettes. Parce qu'effectivement, quand on donne ses plaquettes, on donne ses plaquettes et on vous rend les globules rouges. Donc ce sont des machines qui font un circuit extracorporel, c'est des cycles, c'est pour ça que ça dure 90 minutes. Mais si d'aventure on ne pouvait pas vous rendre les globules rouges, ce serait comme un don de sang total, et donc vous serez contre-indiqué pendant la même durée que pour un don de sang total, mais ça équivaudrait donc à un don normal, oui, ouais. Et son anémie donc serait gênante, parce que là on serait exactement sur les mêmes contre-indications qu'un don de sang, et donc on ne peut pas prendre ce risque. On va préférer effectivement qu'elle soit un seuil, le seuil visé par nos conditions et nos contre-indications, pour pouvoir donner en toute sécurité. C'est vraiment pour sa sécurité à elle. Donc on va préférer qu'elle revienne dans de meilleures conditions. Il y a pas mal de questions médicales, notamment pour ceux qui sont sous traitement pour hypertension, Hervé Renard. Alors, c'est toujours très difficile de répondre en radio à ce genre de questions. L'hypertension avec un traitement n'est pas une contre-indication définitive. Ça dépend de l'hypertension, ça dépend du traitement. Par exemple, s'il y a plusieurs traitements antihypertenseurs, on ne prendra pas le donneur, parce que là aussi, on prendrait un risque pour sa santé, et ça, on ne le veut surtout pas. Maintenant, si c'est juste une légère hypertension avec un traitement léger, là aussi, et un seul traitement, il n'y aura aucun problème à donner son sang. Vous voyez, donc, en fait, c'est très modulable, la réponse. Donc, moi, je conseille à cette personne, encore une fois, de prendre le numéro de téléphone, de téléphoner au médecin qui sera sur place, sur site, de façon à dire exactement le médicament qu'il prend, l'attention qu'il avait, l'attention qu'il a maintenant, de façon à ce qu'on puisse lui donner une réponse plus adaptée. Toutes vos questions sur le don de sang au standard de la première, au 02 62 99 2000. Allez, on va partir retrouver Jean-Philippe au téléphone alors. Jean-Philippe? Bonjour. Oui, bonjour Jean-Philippe. Allez-y Jean-Philippe, vous allez bien? Oui, bien sûr, impeccable. Alors, vous êtes aux environs, c'est ça? Oui, aux environs depuis peu. Depuis peu. Alors, vous êtes, vous, un donneur de sang? Bah, Oui, je fais partie de la grande famille des donneurs de sang. Vous faites partie de la grande famille. Je m'en réjouis, je suis bien, je suis content. Ouais. Alors, la première fois, c'était quand? Ben, j'ai donné une ou deux fois le sang en métropole. En métropole, et, oui. Voilà, une ou deux fois, et ben, je me déplaçais pour y aller. Et voilà que j'arrive à la Réunion. Quand je suis arrivé à la Réunion, ça m'a encore plus motivé, parce que dans ma boîte où je travaillais, le don du sang était sur place. Oui, oui. Alors là, et en plus, j'avais un copain qui s'occupait de donner à fond dans le don du sang à un collègue de travail. Oui, d'accord. Ça m'a j'étais vraiment motivé, quoi. Ça vous a motivé pour faire quasiment la même chose? Beaucoup plus encore, parce que beaucoup plus encore. J'avais pas aucune raison de pas y aller, parce que j'étais sur place. D'accord. Et alors, vous avez fait le dernier don de sang, c'était quand? Ben, le 24, la dernier. Ouais. Et alors, il semblerait que vous serez présent à la cérémonie des donneurs. Bah oui, on m'a invité, je vais y aller. Écoutez, si on vous a invité, le FS déroule le tapis rouge pour vous, Jean-Philippe. Cette cérémonie des donneurs, Nathalie Grondin, donc, elle est prévue pour le 24 septembre. Le 24 voilà, septembre. L'Hôtel Villa de Lille. Et effectivement, on a envoyé des invitations aux donneurs qui sont concernés. L'idée, c'est qu'ils viennent accompagner et qu'on puisse les remercier officiellement. Donc, on vous remerciera, monsieur, pour votre engagement. Et puis, on est bien content de savoir que vous serez là. Bah bien sûr, mais j'ai pas de remerciements à avoir. C'est mon devoir et c'est tout, hein. Pas de remerciements, c'est juste mon devoir, Hervé Renard. Oui, en tout cas, moi, je vous remercie de votre gaieté, parce que vous voyez, vous témoignez qu'on peut être donneur de sang et joyeux d'être donneur de sang, ce qui est une très bonne chose. Et vous manifestez pas la peur de la piqûre, la peur du don du sang, vous faites l'inverse, et ça, c'est un très bon message. Donc ça, de cela, je vous remercie. Et puis la deuxième chose, et ça rejoint une remarque qu'avait fait l'auditrice précédente, vous voyez quand même qu'à La Réunion, l'offre de collecte est importante, puisqu'on va même jusqu'à la porte de votre établissement, votre entreprise, de façon à pouvoir donner le plus de choix possible aux donneurs de sang de La Réunion. Donc voilà, merci pour ces deux témoignages. Alors Jean-Philippe, c'est votre camarade qui vous en avait parlé la première fois, mais est-ce que vous, maintenant, vous en parlez aux autres? Est-ce que vous faites un petit peu... Bien sûr. Dans mes réunions de famille et tout, s'il y a des gens qui sont réticents, je leur conseille, il n'y a pas à être réticent. Il faut y aller, c'est tout. Quand on est parti, après, on sait comment ça se passe, on est plus sûr, on peut continuer sans problème, mais il faut faire le premier pas. Et vous l'avez fait, et vous demandez aux autres de faire aussi le premier pas. Bien sûr. Jean-Philippe, merci beaucoup pour votre réaction. Merci. À très bientôt. Et puis, alors, petite question, comment vous prévenez les donneurs réguliers, Nathalie Grondin? Ah, effectivement, il y a plusieurs façons de faire. On envoie. Je sais qu'il y a le courrier. Voilà, c'est des cartons d'invitation. Voilà, on a aussi d'accord. des SMS, des emails et des coups de téléphone qu'on passe effectivement en fonction de votre essence de don. Donc, si vous donnez très régulièrement, on va se contenter de vous envoyer un email et un SMS pour vous signaler que nous sommes dans les parages. Et comme ce monsieur, je pense que voilà, s'il reçoit l'information, s'il est disponible, il y va. Pour d'autres qui n'ont pas donné depuis un certain temps, on va préférer les contacter pour vérifier que l'offre de collecte qu'on leur propose leur convienne toujours, qu'ils n'ont pas déménagé. Donc on a différents moyens de les inviter. Puis si vous ne recevez pas d'invitation, l'idée c'est vraiment de se rapprocher de nous et puis on verra, on fera un petit point sur votre fiche, voir si vous n'avez pas changé de coordonnées et ce qui empêcherait effectivement de vous contacter et de vous envoyer les fameux plannings de collecte. Alors le don pour notamment les centres de Saint-Pierre et de Saint-Denis, C'est du lundi au vendredi, et le second samedi du mois. Second samedi du mois, voilà. Parce que ça, c'est vrai, c'est une question qui revenait très souvent. Vous n'êtes pas ouvert le samedi? Eh bien, on l'est maintenant, le second samedi du mois. Donc effectivement, de temps en temps, ce second samedi du mois, il est substitué par une collecte qui est faite quasiment à proximité. Donc par exemple, le 10 septembre, le site de Saint-Denis sera fermé car nous serons à l'espace Redley au bas de la rivière. Donc c'est un peu ça le jeu. Donc c'est trop proche pour maintenir les deux points de collecte. Donc on a préféré renforcer l'équipe sur l'espace Redley au bas de la rivière et on y sera de 9h à 13h30. Et pour la maison du don de Saint-Pierre, elle sera ouverte de 8h à 15h. Le samedi 10, donc si vous voulez donner sur un samedi, n'hésitez pas, le prochain c'est le 10 septembre. Nathalie Grondin du service communication, Hervé Renard, le directeur de l'EFS qui répond à toutes vos questions sur le don de sang, 02 62 99 2000. 13h-14h, tous en première avec Ingrid. Le zapping de la radio à 13h20, votre rubrique Connect Première. L'interview de l'invité de la matinale en rediffusion, ce sera à 13h30. Notre projet de loi sur l'égalité réelle fait l'objet d'une consultation. Tous en première avec Ingrid, du lundi au vendredi, de 12h45 à 14h sur Réunion Première. Première. Il est 11h20 sur la première. Amel Bint, et puis nous irons retrouver Alain de la Possession pour réagir sur le don de sang sur la première. Je me sens bien, on se sent bien après un don de sang, Hervé Renard, s'il vous plaît. Regardez, les témoignages que nous avons eus jusqu'à présent des donneurs, on voit que des donneurs heureux qui presque nous remercient de leur avoir pris du sang, alors que c'est à nous de les remercier d'avoir donné. Vous voyez, donc, en règle générale, les dons du sang se passent très très bien. Alors, encore une fois, je mets une petite nuance sur le premier don, il faut faire beaucoup plus attention que pour les dons suivants. Mais en général, et même en majorité des cas, les dons du sang se passent très très bien. Et on se sent bien après un don du sang. Réunion première, vous écoutez au standard 02 62 99 2000. Alain de la Possession, bonjour Alain. Bonjour Claude, bonjour Monsieur Renard et Madame Grandin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une réaction Alain, une question à poser? Une question à poser, j'aimerais savoir si le problème des personnes transfusées a été résolu aujourd'hui ou toujours pas. Si le problème des personnes transfusées a été réglé, Hervé Renard, directeur donc, de l'EFS. J'ai déjà un petit peu évoqué ce sujet lors de cette émission. On est en train de le régler. C'est-à-dire que là, c'est une décision qui doit être prise de façon collégiale entre l'ensemble des responsables de l'établissement français du sang, dont je fais partie. Donc, il y a des experts qui travaillent avec nous, il y a des épidémiologistes. Hein, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que la volonté de l'EFS, c'est d'enlever cette contre-indication. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Ce n'est encore pas actuellement applicable, mais je pense que dans les mois ou voire l'année prochaine, on pourra à nouveau reprendre les anciens transfusés, les personnes transfusées au don du sang. Donc, je ne peux pas vous l'annoncer actuellement, mais dans un avenir très très proche, on pourra reprendre ces personnes-là. Mais est-ce que vous vous avez en informé aux gens qui donnaient et qui ont arrêté de donner à cause de ça, ou bien comment ça va se passer? Nathalie Grandin, oui. Oui, donc déjà, on va communiquer par voie de presse, et effectivement, dans vos dossiers, on sait en fait pourquoi vous avez été contre-indiqué, et donc on pourra effectivement faire un courrier à toutes les personnes qui deviendront effectivement éligibles au don du sang, donc qui pourront redonner, que c'est le cas. Donc vous inquiétez pas, dès que ce sera possible, on vous enverra un courrier pour vous expliquer comment revenir donner votre sang. D'accord. Merci. Alors, vous concernant Alain, juste la dernière fois, c'était quand? Oula. Ça remonte. La dernière fois, moi, mon histoire, elle est un peu compliquée parce que j'ai donné mon sang jusqu'en 2001 et j'ai été transfusé en 91. J'ai donné mon sang jusqu'en 2001 et après, j'ai arrêté pour des raisons personnelles pendant 2 ou 3 ans, et quand je me suis présenté la fois suivante, en 2005, on m'a dit non, je ne pouvais pas donner parce que j'ai été transfusé. Donc, comme je dis toujours, j'ai dû en contaminer beaucoup de monde depuis le temps. Parce que, pendant 10 ans, j'ai donné 4 fois par an, et après, d'un seul coup, je ne pouvais plus donner. Quoi. Le directeur de l'EFS vous répond. Donc, je voulais aussi préciser une chose importante. Vous avez raison sur pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on avait mis cette contre-indication. C'était par peur du sang contaminé. Donc là, actuellement, on a de telles méthodes de prévention sur les risques microbiens et transfusionnels qu'a priori, cette contre-indication, c'est pour la raison pour laquelle je vous disais, on va l'enlever. Mais attention, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il faudra voir pourquoi les gens ont été transfusés. Si l'état de santé à l'époque, alors je ne sais pas pourquoi vous étiez transfusé, hein, je n'ai pas à le savoir, mais enfin, si vous aviez eu par exemple une grosse intervention cardiaque, vous voyez, là c'est le problème cardiaque qui va au-devant de la contre-indication. Si vous avez été transfusé par rapport à une leucémie, la leucémie est une contre-indication à vie. Donc tous les gens qui ont été transfusés ne pourront pas être repris. Simplement ceux qui ont été transfusés pour une petite fracture du fémur, voilà. C'est des choses où il faudra faire un petit peu attention sur l'état de santé de l'époque. Moi, c'était pour une intervention chirurgicale. Pour une opération, oui. Nathalie Grandin. Bon, après, n'ayez pas de crainte sur le fait que vous ayez contaminé des gens. Il y a quand même une batterie de tests qui est réalisée. Votre sang, il a été analysé. Ouais. Il était conforme au moment où il a été utilisé. Donc, effectivement, c'est un principe qui était surtout un principe de précaution. Donc, aujourd'hui, la raison pour laquelle on essaie de faire lever cette contre-indication, c'est qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'enjeu sécuritaire. Maintenant, c'est la loi et on parle souvent de règles du jeu. Donc, tant que légalement on ne pourra pas reprendre les personnes qui ont été transfusées, effectivement, vous ne pourrez pas redonner. Mais on insiste, on communiquera largement dès lors que ce sera possible. Alors, jusqu'à quel âge on peut donner son sang ? Jusqu'à 70 ans. Vous pouvez calculer. Oui, Alain, vous n'avez que 35 ans, tout le monde le sait. Ben voilà. Oui, bien sûr, c'est gentil, donc merci. Merci à vous. Merci à beaucoup. Très bientôt, merci. Anifa est avec nous. Bonjour Anifa. Bonjour. Bonjour, vous êtes de Saint-Denis ? Oui. Vous étiez où hier ? À l'EFS, on ne donne pas la quête. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et vous faites don de plaquettes, vous ? Oui, j'ai débuté en donneur de sang. Ah oui ? Donneuse de sang, plutôt. Et un jour où j'avais donné mon quota, une année plutôt, où j'avais donné mon quota, et on m'a dit si je pouvais faire un don de plaquettes. Mais j'ai dit, expliquez-moi. On m'a expliqué, ça va être un petit peu plus long, mais bon, pourquoi pas ? Et depuis, avec mon taux de plaquettes qui est assez fort, on m'a gardé en donneur de plaquettes. On vous a gardé hein, précieusement, surtout. Peut-être. Oui, Hervé Renard. Oui, comme... Alors, lors d'un don de sang, on se rend compte que si elle a suffisamment, elle en a pas mal. Elle pourrait peut-être pas ou pas. Voilà. Elle a dit 2 choses importantes. Alors d'abord, je voulais vous remercier et vous êtes devenu un donneur suffisamment rare pour qu'on puisse attacher une importance encore plus grande pour votre don de plaquettes. Hein, parce que je rappelle encore une fois que les donneurs de plaquettes sur La Réunion ne sont pas légion. Et on en a besoin tous les jours. Donc ça, c'est une très très très bonne... Donc je vous remercie de ce geste hein, parce que c'est un geste important. Alors, 2 choses. Ouais. Vous avez dit que vous avez atteint votre quota. Donc je rappelle effectivement que lorsqu'on donne du sang, on ne peut pas donner... quand une femme, plus de 4 fois par an du sang total. C'est un petit peu pour ça que, par contre, on peut donner des plaquettes beaucoup plus fréquemment. Oui. Donc, vous voyez, lorsque les gens veulent absolument donner, et c'est le cas de cette dame que je remercie encore, lorsqu'elle a atteint son quota de dons de sang total, on peut la prendre en plaquettes. Pour cela, il faut avoir un taux de plaquettes suffisant. Comme on s'est aperçu qu'elle avait un taux de plaquettes vraiment très important, on s'est dit, c'est une personne qui est donneuse, qui est solidaire, qui donne souvent, on va la garder en don de plaquettes. Et qui est en bonne santé. Qui est en bonne santé, bien entendu, hein, ouais. Ça c'est encore très important. Comme elle a un taux de plaquettes remarquable, eh bien, on va plutôt la garder en don de plaquettes, parce que c'est encore une fois un don très rare. Alors Anifa, alors hier, vous avez passé combien de temps à l'EFS ? 1 heure et demie. 1 heure et demie, très bien. Vous êtes arrivée à quelle heure ? À 11h30. Et vous êtes sortie de l'EFS ? À 13h15. Bon, très bien, ça s'est bien passé. Donc... Le temps que je me repose et tout, oui, ça me mène dans ces heures-là. Non, c'est important de le dire, vous étiez au petit soin, c'est ça ? Ah oui, on est toujours au petit soin pour moi. J'ai l'impression d'être une star quand j'arrive là-bas. L'EFS considère ses donneurs comme des stars ? Eh ben oui. Oui, tiens donc. Tout à fait. On va faire un nouveau slogan. Les donneurs c'est sont pas des mal, stars. Ça. Alors que... c'est plutôt sympa, moi, je trouve. Donc, jusqu'à la fin, tout s'est bien passé. Et vous reviendrez quand ? Au mois d'octobre, à la mi-octobre. Vous avez dans coché... un mois et demi, exactement. Mais alors, pour pas que vous oubliez un petit peu les dates, etc., vous avez coché quelque part sur l'agenda ? Je reprends toujours, avant de quitter le FS, je reprends toujours mon rendez-vous pour la prochaine fois. De peur d'oublier, justement. Alors, voilà, ça, c'est ça. Noté, ouais. Je l'affiche sur mon frigo et je vois tous les jours. Ah bah, dis donc. C'est super. Ouais, vraiment génial. C'est vrai. Chapeau, hein. Merci. Chapeau, Anifa. Vous avez des enfants ? Oui, monsieur, j'en ai 4. 4 qui sont sensibilisés au don de sang ? Une seule, celle qui se trouve en métropole, à Toulouse. D'accord. Les autres ici, ils ont peur des piqûres, mais moi aussi j'ai toujours peur, mais je donne quand même. Dites-moi, ce sont des garçons ? Un garçon et 3 filles. Ah, je suis bien une fille et j'ai toujours peur des piqûres. C'est vrai. Mais bon, après, l'idée, c'est qu'un jour, emmenez-les avec vous et puis peut-être ça. Que... Pourquoi pas, oui. Voilà, peut-être qu'effectivement, ils verront que c'est pas si terrible que ça et puis qu'ils pourront devenir des stars aussi à l'EFS s'ils le souhaitent. Au moins, ils reprendront le flambeau quand ben oui, effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Anifa, merci beaucoup. À très bientôt et merci pour ce que vous faites pour l'EFS et aussi pour les malades. Je rappelle quand même qu'il y a près de 9000 malades hein, qui sont. Là, je suis certain qu'on a dépassé les 10 000 même. Ouais. Donc, ah oui, parce que, encore une fois, les établissements de soins offrent une possibilité maintenant de traitement qui sont beaucoup plus importantes qu'auparavant et donc on a dépasser les 10 000 patients, ou on va les dépasser cette année sans aucun problème. Un mot sur cette opération qui est menée sur Saint-Pierre, l'EFS, Juliette, au pays des... Marmaille. Donc voilà. Spécial Marmaille, don en famille, ça dépend comment on veut l'appeler. Quoi qu'il en soit, le site fixe de Saint-Pierre, la maison du don, 58 rue Suffren, est ouvert jusqu'à 17h et vous accueille avec vos enfants, donc quel que soit leur âge. Effectivement, c'est plus accessible à partir de 2 ans, parce que les activités qui sont proposées sont quand même des activités un petit peu en autonomie, mais il y a des animatrices qui sont là. L'occasion pour vous de leur montrer un petit peu ce que c'est le don du sang, discuter avec les infirmières et puis de profiter d'un moment où vous êtes sûr que vos enfants seront encadrés et puissent donner tranquillement. Donc, c'est ça, pendant que les parents donnent leur sang, c'est ça ? Les enfants sont occupés. On s'occupe des enfants, on a une petite collation améliorée pour eux, des fruits, voilà, on essaie de leur faire plaisir et qu'ils passent un bon moment. Comme quoi alors, l'EFS s'occupe des grands comme des stars. On et s'occupe des aussi des petits Hervé Renard. Oui, et puis tous les moyens sont mis en place. Hein. Encore une fois, je voudrais profiter des témoignages très émouvants et très gais que nous avons eus ce matin sur les donneurs de sang pour en profiter pour dire aux non-donneurs, regardez et écoutez, les gens qui donnent leur sang sont des gens qui passent des bons moments. Et je rappelle, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, après un don du sang, on se sent bien, mais on se sent bien aussi parce qu'on sait pourquoi on a fait ce geste. On a fait ce geste pour sauver des vies, pour sauver un malade, pour sauver un enfant, pour sauver une leucémie, pour sauver une intervention chirurgicale. Voilà. Donc on est bien aussi parce qu'on se dit, tiens, là j'ai fait un geste qui sert vraiment à quelque chose. Donc on est bien pour cela. Donc je voudrais que ce message, là on a eu que des témoignages de ces fameux 17 000 personnes qui donnent leur sang sur la Réunion. J'aimerais que les 200 000 voire 300 000 personnes qui pourraient donner mais qui ne donnent pas leur sang sur la Réunion entendent ces messages de gaieté, de joie, de solidarité, de générosité. Enfin voilà, c'est des bons moments qu'on passe ensemble. J'aimerais qu'on les partage avec d'autres nouveaux donneurs. Alors pour le don de sang, ne pas venir à jeun, on est bien d'accord, venir accompagné, détendu, vous serez dans de bonnes conditions. Tout à fait, ça, on l'a pu vérifier. Et surtout pour un premier don, venez avec une pièce d'identité, c'est obligatoire pour pouvoir donner son sang. Les malaises sont moins nombreux aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, et puis le 24 septembre, l'EFS récompensera les donneurs réguliers, une manière aussi de dire merci à tous ceux et à toutes celles qui donnent leur sang depuis des années. Merci Hervé Renard, directeur de l'établissement français du sang. Merci à Nathalie Grondin du service communication. À très bientôt sur la première. Merci encore. Merci à vous. Bataillé, les bateaux grand pas baraqué, les mounois liés m'aboyer. Tout le temps bataille, mais m'a jamais vu gagner, car il est pour le coup pour ramasser, sauf pour l'alcool, pour la dilapé. Mon a un d'allon, ligué pas trop bataillé, les bateaux grand pas baraqué, les mounois liés m'aboyer. Tout le temps bataille, mais m'a jamais vu gagner, car il est pour le coup pour ramasser, sauf pour l'alcool, pour la dilapé. Le bar reste tout seul, non la moindre forme, non la pitié pour ramasser à toi. Le rhum est coulé au miel, donne à toi la force pour faire commérage toute la journée. Sa femme Maurice, il connaît, ou la pita, bah il connaît, ou tant il bouge, il n'est pas là, mais ça s'il y connaît. Ou nana crédit, il connaît, ou bleu à l'auto, il connaît, sa vie veut dire l'île, demande à l'on travaille, t'as gagné. Ça va Maurice, il connaît, où la vie travaille, il connaît, où tant il bouge, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît. Il n'en a crédit, il connaît, où fait un auto, il connaît, ça qui veut dire l'idée, mon dallon travail t'a gagné. Bataillé, du bateau grand pas baraqué, les mounois liés m'aboyer. Tout le temps bataille, mais m'a jamais vu gagner, car il est que le coup pour ramasser, sauf pour l'alcool, pour la dilapé. Mon a un d'allon, ligué pas trop bataillé, du bateau grand pas baraqué, les mounois liés m'aboyer. Tout le temps bataille, mais m'a jamais vu gagner, car il est que le coup pour ramasser, sauf pour l'alcool, pour la dilapé. Le bar reste tout seul, dont la moindre forme n'aura pitié pour ramasser à toi. Le rhum est coulé au miel, donne à toi la force pour faire commérage toute la journée. Sa femme Maurice, il connaît, où la pita va, il y connaît, où tant il bouge, il n'est pas là, mais ça s'il y connaît. Où nana crédit, il connaît, où le haloto, il connaît, sa vie veut dire l'idée, mon dallon travail t'a gagné. Ça va Maurice, il connaît, où la vie travaille, il connaît, où tant il bouge, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît. Où nana crédit, il connaît, où fait un auto, il connaît, ça qui veut dire l'idée, mon dallon travail t'a gagné. Ça va Maurice, il connaît, où la vie travaille, il connaît, où tant il bouge, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît. Où nana crédit, il connaît, où fait un auto, il connaît, ça qui veut dire l'idée, mon dallon. What's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true.

José Pitchen sur la première. Il est midi moins 10, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Madame Veuve, Madame Gauvin-Nébigot. Madame Gauvin-Nébigot, Annie Alfreda. Décès survenu le 30 août à l'âge de 103 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 48, avenue de la Commune de Paris au port, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction se fera en l'église Saint-Pierre-Apôtre de la ZUP à 15h, l'animation au cimetière paysager du port. Décès de Madame Marbois née Gerbite André. Madame Marbois née Gerbite André. Décès survenu hier à l'âge de 96 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 20. Allée Bernard Bolzano au port. Aujourd'hui, donc mercredi 31 août, la prédication par un pasteur adventiste à 15h30 au domicile. L'animation au cimetière marin du port. Décès de Monsieur Grondin Désiré Calvert. Monsieur Grondin Désiré Calvert, domicilié au numéro 35 rue Fleur d'Amour à Brafusy à Saint-Benoît, décès survenu hier à l'âge de 55 ans. Le convoi sortira de la salle franc décès bénédictine aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 15h, l'animation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Caropin Julius. Monsieur Caropin Julius, décès survenu hier à l'âge de 67 ans. Le convoi sortira de son domicile au 44 allée des Armoises, donc à la ravine des Cabris, demain, jeudi 1er septembre à 9h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Terre Sainte à 10h, l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Madame Mahalachimi Henri, née Sateya Marie-Arlette, dit Madame Henri. Le décès de Madame Mahalachimi Henri, née Sateya Marie-Arlette, dite Madame Henri. Décès survenu hier à l'âge de 95 ans. Le convoi sortira de son domicile au 150 rue Fidelio Robert au 12e kilomètre. Aujourd'hui à 15h, la bénédiction aura lieu en l'église du 12e à 15h30, l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Monsieur Aillé, Jean-Baptiste Joseph Christian dit Kishna. Monsieur Aillé, Jean-Baptiste Joseph Christian dit Kishnin, décès survenu hier à l'âge de 58 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 2, chemin l'évêque à la Saline Léo. Aujourd'hui à 15h, la bénédiction se fera en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila de la Saline. À 15h30, l'inhumation au cimetière de la Saline Léo. Décès de Monsieur Or, Camille, retraité de la Chambre de commerce de l'aéroport de Gilo. Monsieur Or, Camille, décès survenu hier à l'âge de 78 ans. Le convoi sortira de son domicile au 38 rue Marchand de quartier français à Deux Rives Sainte-Suzanne. Demain 1er septembre à 14h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Vivienne à quartier français à 15h, l'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Madame Grondin Marie-Justine née Laurette dite Tina. Madame Grondin Marie-Justine née Laurette dite Tina. Décès survenu hier à l'âge de 89 ans. Le convoi sortira de son domicile au 99 rue des Jacques à Saint-Joseph. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction aura lieu à la chapelle des Jacques à Saint-Joseph à 16h, l'inhumation au cimetière de Vincent Doux. Décès de Monsieur Guégano Michel Lucien. Monsieur Guégano Michel Lucien, domicilié au 44 avenue des Indes, à la résidence Les Prunelles, appartement 16 à Saint-Pierre. Décès survenu à l'âge de 59 ans. Un recueillement aura lieu au centre funéraire de Commune Prime. Aujourd'hui, à partir de 14h, suivi de la crémation. Et le décès de Monsieur Cantalia Tégali-Charles, retraité de la SPTT. Monsieur Cantalia Tégali-Charles, décès survenu à l'âge de 66 ans. Le convoi sortira du domicile au 24 rue Joseph Hubert, cité Bengali à Brapanon. Aujourd'hui à 15h45, la bénédiction aura lieu en l'église de Brapanon, c'est ça, à 16h15, l'inhumation au cimetière de Brapanon. Décès de Monsieur Ferrer Arsène Mauger. Monsieur Ferrer Arsène Mauger, décès survenu à l'âge de 89 ans. Le convoi sortira de son domicile au 29 chemin de la ligne Ravine Sèche. Aujourd'hui à 15h, la bénédiction aura lieu en l'église de l'Étang Salé à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Étang Salé. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. les communiqués de ce mercredi 31 août avec Veolia qui informe ses clients de la commune de Saint-Pierre qu'en raison du lavage et de la désinfection du réservoir Terre des Chênes, l'alimentation en eau sera interrompue à partir de 6h. C'est pour demain, jeudi 1er septembre. Donc pour les secteurs suivants, de Saint-Pierre, chemin des remparts, chemin Terre des Chênes, et la remise en eau est prévue à partir de 20h, toujours pour demain, donc jeudi 1er septembre. L'association ADN 97.4 et la Mutualité de la Réunion qui vous informe qu'un dépistage du diabète aura lieu demain, jeudi 1er septembre, au village Éclipse de Saint-Louis à l'étang du Gaulle, de 8h à 13h. Il est conseillé de venir à jeun pour un meilleur dépistage. Et puis l'EFS, l'établissement français du sang, qui vous informe de la collecte de demain au CHER de Saint-Benoît pour le jeudi 1er septembre. C'est de 9h30 à 14h. À la veille d'un événement, évidemment, l'éclipse annulaire, c'est demain, et Réunion Première vous donne rendez-vous depuis ce village de l'éclipse à l'étang du Gaulle de Saint-Louis pour des émissions spéciales. Restez bien à l'écoute de la première, et puis vous en saurez un peu plus sur le programme de demain. Et puis tout à l'heure à 12h15 avec Philippe Dornier, on en parle justement, et vos questions sur l'éducation, sur l'éclipse solaire, c'est à 12h15 jusqu'à 12h45 au 02 62 99 2000. Il est midi, bon appétit à tous sur la première. Le le journal d'Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Elle est la première femme réunionnaise à devenir ministre. À 49 ans, Erika Barèche a officiellement pris la tête du ministère des Outre-mer. C'était il y a moins d'une heure. Elle succède à Georges Pollangevin, démissionnaire pour des raisons personnelles. Georges Pollangevin qui vient de quitter le ministère à pied. Nous serons en direct de Paris dans un instant. Au volcan, un incendie a touché plusieurs hectares de végétation depuis hier à proximité du Pas de Bellecombe. Le gîte du volcan a dû être évacué dans la soirée, mais le feu est en passe d'être maîtrisé. On fera le point sur place avec Pierre Komorasamy en direct dans ce journal également. À 24 heures de l'éclipse du soleil, phénomène exceptionnel qui sera visible demain après-midi à La Réunion. On fait le point sur les écoles qui seront fermées dans de nombreuses communes. Bienvenue sur Réunion Première. À 49 ans, Erika Barecht est la première femme réunionnaise à devenir ministre. Elle était déjà membre du gouvernement de Manuel Valls depuis le début de l'année en qualité de secrétaire d'État à l'égalité réelle. Nommée à la tête du ministère des Outre-mer suite à la démission surprise hier de Georges Pollangevin qui évoque des raisons personnelles, Erika Barecht vient de prendre officiellement ses fonctions. La cérémonie avait lieu il y a une heure devant le ministère de la rue Oudinot. Une passation de pouvoir que vous avez suivie, Marie-Carline Chardonnay. Pour Réunion Première. Comment s'est déroulée cette cérémonie, Marie-Carline ? Ici, au ministère des Outre-mer, la passation vient de se terminer. La nouvelle ministre des Outre-mer, la réunionnaise Erika Barecht, a salué l'engagement de Georges Pollangevin, qui a démissionné pour, dit-elle, échanger de nouveau avec les citoyens et retrouver le terrain. Hier matin, lors d'un déjeuner,